tire de près les étoiles, car c'est la douce spirale. Sentir de près les comètes, à s'en faire tourner la tête. Sentir de près tous les vents, les vagues, les pluies, les océans. Sentir de près les chaleurs, les moindres bruits, des odeurs. Se sentir bien, se sentir bien, se sentir bien, se sentir bien. Sentir de près les étoiles, caresser les douces spirales. Sentir de près les comètes, à s'en faire tourner la tête. Se sentir bien, se sentir bien, se sentir bien.